Bonjour à toutes et à tous, c'est Michel pour sa chronique du jeudi matin sur RGM. Voilà, cette chronique, je l'ai baptisée « Incendie et climat ». L'actualité, c'est bien sûr les incendies, en particulier celles qui sévissent en Amazonie brésilienne. Le monde entier est concerné par ces sinistres qui dévastent la forêt amazonienne, qui est déjà, et depuis des décennies, l'objet de défrichements et de destructions qui peu à peu rétrécit l'espace forestier et déloge ou détruit les espèces animales qui y vivent. Alors que l'Amazonie est non seulement le poumon de la planète, mais encore abrite une biodiversité qui est la plus riche et la plus dense de notre planète. Par ailleurs, des populations indiennes qui y vivent en autarcie sont délogées de leur habitat et quelquefois il y a de nombreux meurtres, souvent en toute impunité, si ces populations s'opposent à l'avancée des engins qui exploitent et ou détruisent la forêt. Il n'y a aucun scrupule de la part des grands propriétaires de l'agrobusiness au Brésil, depuis qu'ils sont soutenus par le gouvernement d'extrême droite de Bolsonaro. Alors qui déclare ces incendies meurtrières? Il paraît évident que celles-ci ne se déclarent pas de manière spontanée, mais sont bien d'origine criminelle afin d'exploiter les terres agricoles et les richesses minières de la forêt amazonienne. L'opinion internationale s'émeut de ce qui se passe au Brésil. Mais n'était-ce pas prévisible? L'élection de Bolsonaro ne pouvait que conduire à de tels gâchis. Bien évidemment, Macron déplore cette catastrophe écologique. Comment pourrait-il faire autrement, sinon s'aliéner l'opinion publique en France et en Europe? Sans parler de toutes les ONG et associations écologiques qui voient le poumon vert de la planète partir peu à peu en fumée. Nous assistons à une velléité de la part du président français de remettre en cause l'accord dit Mercosur avec les pays concernés d'Amérique latine. Je parle de velléité puisque cet accord existe au détriment de notre agriculture et de la qualité des produits alimentaires qui seront ouverts aux consommateurs. Au-delà de la catastrophe écologique, nous devons nous interroger sur ce commerce mondial qui tend à détruire la planète. Tout du moins, ceux qui l'habitent. Est-il normal de faire circuler autour de la Terre, à grands frais de carburant, les marchandises que l'on peut produire localement, surtout s'agissant de viande, de fruits, de légumes? C'est le contexte du commerce international qui enrichit les intermédiaires et les grands groupes, en particulier agrochimiques, qui doit être remis en cause, ainsi que notre mode de consommation. Macron et sa majorité font preuve d'une rare hypocrisie en signant des traités comme celui du CETA et ensuite déplorer les conséquences du contrat avec le Mercosur. Je me permets de le redire avec force. On ne peut pas à la fois prôner la libre circulation des marchandises, quitte à restreindre celle des populations humaines, et lutter durablement contre le réchauffement climatique et les autres aléas que connaissent notre forme de civilisation, qui conduisent notre civilisation à sa perte, voire l'espèce humaine. L'avènement de dictatures et de gouvernements climato-sceptiques a de quoi nous préoccuper pour l'avenir des espèces qui peuplent la Terre. Pas seulement l'espèce humaine, puisque la biodiversité est en recul constant. Elle est pourtant nécessaire à notre survie. La planète Terre n'a pas besoin de nous pour survivre. Elle en a vu d'autres depuis sa constitution qui remonte à environ 3 milliards d'années. Non, l'écologie n'est pas soluble dans le capitalisme. L'intérêt de quelques-uns se heurte à l'intérêt collectif à l'échelon planétaire. Malheureusement, les nationalistes et les apprentis fachos sont de plus en plus nombreux à la surface de la Terre. Pour eux, les frontières sont seulement perméables aux marchandises que l'on peut exporter avec une exploitation intensive des terres et des populations qui habitent ces terres, afin de développer une économie que ces dirigeants qualifient de nationale, alors qu'ils sont plus ou moins au service de grands groupes pour lesquels les frontières n'existent pas. L'extrême droite de Bolsonaro ne fait que rejoindre la mentalité de Trump face au réchauffement climatique. L'intérêt économique immédiat, sans se soucier des habitants de la planète, à plus long terme, et même à court terme, puisque nous connaissons des étés très chauds et surtout successifs, même dans nos Hautes-Vosges. Même si nous sommes moins affectés que d'autres par ces épisodes de chaleur et de sécheresse, il y a lieu de s'interroger sur notre avenir et celui de notre agriculture de montagne. Mais je voudrais revenir à l'avènement planétaire que constitue la mise en place de gouvernements d'extrême droite. La plupart xénophobes et productivistes. N'est-ce pas un retour en arrière lamentable? Certains anciens évoqueront les années 30 et la montée des fascismes qui deviendront des militaro-fascismes, pas seulement en Europe. Certes, l'histoire ne se répète pas, mais elle peut bégayer. D'autres rétorqueront que pour éviter la remontée des nationalismes, il faut développer les échanges internationaux. Oui, mais ces échanges ne peuvent pas être uniquement économiques au gré des intérêts des groupes multinationaux. Il doit y avoir une régulation écologique des échanges internationaux qui laisse aux peuples davantage de liberté, ne serait-ce que pour décider de leur avenir, avenir souvent soumis à quelques dirigeants et technocrates qui décident de tout. L'on pourrait ainsi rêver d'un monde enfin pacifié, dans lequel les libertés démocratiques seraient enfin sauvegardées, où les citoyens seraient enfin des acteurs de leur propre vie, ce qui semble pas le cas actuellement, loin s'en faut. Voilà, je vous laisse méditer au cours de cette journée que je vous souhaite la meilleure possible, et je vous donne rendez-vous jeudi prochain si tout va bien.